de Witold Rowiński, qui a enregistré cette œuvre au Festival de Varsovie en 1962. Thank you. Nous venons donc d'entendre Pitopracta et